Une grosse page d'histoire s'est tournée à Pittsburgh dimanche soir, alors que les Steelers de Pittsburgh et Big Ben Roethlisberger ont annoncé sa retraite ou devraient le faire dans les prochains jours officiellement, mais c'est pas un secret pour les chinelles. Et évidemment, moi, ça m'intéresse beaucoup la suite des shows. Les Steelers, c'est une grande organisation, c'est une organisation très, très compétitive. Qu'est-ce qui va se passer avec la suite des choses à Pittsburgh avec la retraite de Big Ben? Ben, on rejoint du Sports Illustrated et travaille sur le beat des Steelers, Noah Steinberg. Bonjour. Hi, Noah. Hey, how's it going? Thank you for having me on. Et évidemment, vous voyez Michel Dugas, évidemment, c'est une entrevue anglophone. Et comme je suis un illettré anglophone, donc c'est Michel qui va faire l'entrevue. On va y aller comme on fait l'alternance toujours. Michel va poser la question en français. On va y aller en alternance et par la suite, Michel va traduire. Donc, la première question que je vais poser à Noah, c'est quoi l'avenir maintenant chez les Steelers de Pittsburgh avec la retraite de Big Ben? Okay, so Danny is asking you, Noah, with the Big Ben's retirement, what's in store now for the Pittsburgh Steelers? So it starts with Mason Rudolph and Dwayne Haskins, obviously the two quarterbacks that they had behind Ben Roethlisberger this season. Mason Rudolph is the only one under contract heading into 2022, but you can expect Haskins to come back as well. Honestly, though, it's pretty wide open. Mike Tomlin said that they'll go either direction, whether it's free agency or the NFL draft. If I had to make a prediction, I would say that a first-round quarterback is likely on the agenda for the Pittsburgh Steelers. Somebody like Kenny Pickett, who is from Pitt, just to keep their options open without solidifying something with a, you know, proven veteran that they have to go trade for. OK, bon, ce que Noah nous dit, Danny, c'est que selon lui, la meilleure option l'option que Mike Tomlin va envisager de façon prioritaire, ça va être un jeune carrière qui est à l'Université de Pittsburgh actuellement. Oui, c'est du local. Donc, c'est du talent local. Donc, probablement choisi en première ronde. En cela, il va probablement imiter là, beaucoup d'équipes qui ont voulu reconstruire l'an dernier. Il y a eu plusieurs carrières qui ont été choisies en première ronde l'an dernier, si tu te rappelles bien. Il a dit aussi que pour l'instant, il y a seulement Mason Rudolph là, qui est sous contrat en tant que carrière avec les Steelers. Donc, ce sont deux avenues là, que les Steelers pourraient envisager, mais présentement, on regarde vraiment plutôt du côté du repêchage. OK. Vas-y, Michel, en français, par la suite, en anglais. Okay, well, I'm gonna ride on Danny's coattail here. We know that many teams last season came up with first round with quarterbacks in the first round of the draft. So you really think the Steelers are gonna go with a first round pick? Donc ce que je demande c'est je lui dis justement que je fais un petit peu de pouce là, sur ta question, à savoir que c'est vraiment l'option la plus sérieuse. Yeah, I believe so. I think that if there was a bigger free agency market, it would be easier to say sign a veteran, but because the pickings are, I wouldn't say bad, but not much better than Mason Rudolph and Dwayne Haskins, I think that this year their backs are against the wall and that they're kind of going to have to go draft a quarterback early, and I think the first round is where you get one. Bon, ce qu'il dit, c'est qu'actuellement, il n'y a pas d'option au niveau du marché des joueurs autonomes. Il n'y a pas vraiment plus d'options à part Dwayne Haskins et Mason Rudolph. Donc, selon lui, c'est la raison pour laquelle les Steelers vont y aller avec les joueurs de repêchage. Est-ce que les échanges, parce qu'il va y avoir beaucoup de joueurs de carrière disponibles ce printemps, ça va être intéressant. Russell Wilson, Aaron Rodgers, Jimmy Garoppolo. Après ça, il va y avoir peut-être même Derek Carr. Il y a un changement au club. Il y a Mike Maycock. Est-ce qu'on va peut-être y aller avec un nouveau directeur général qui va être à Oakland? Est-ce qu'on va tenter de rebâtir là-bas? Est-ce que c'est une possibilité? Moi, je pense que Pickett et Kelly Pickett de Pittsburgh et un Jimmy G pourraient être la solution. So Danny's is naming a couple of free agent quarterbacks like Jimmy Garoppolo or Russell Wilson, for instance, that are probably available. Derek Carr might be available too because Mike Mayock has just been fired from the Raiders. So Do you think that maybe a combination of Pickett and a veteran QB would be a good assessment for Pittsburgh? I think maybe. The problem with that is all those guys are free agents next season, and the Steelers would still have to make a move to trade for them. That doesn't rule any of them out. I think that, you know, Aaron Rodgers has made it known that he might not want to be in Green Bay. Russell Wilson has definitely made it known that he wants out of Seattle. And guys like Derek Carr and Jimmy G are probably going to get moved on from this offseason. A name to watch, I would say, if it does come down to a trade, is Kirk Cousins out of Minnesota. That's a name that has been floated around to me as a potential landing spot, somebody that Mike Tomlin's very interested in. Donc, selon Noah, Danny, bon, Kirk Cousins au Minnesota, lui aussi serait disponible, semble-t-il, sur le marché du joueur autonome. Ce qu'il faut spécifier, c'est que tous les noms que tu as nommés tantôt, incluant Aaron Rodgers à Green Bay, ne sont pas des joueurs autonomes cette saison, mais pour la saison prochaine. Ouais. Donc, ce sont probablement des appâts pour des échanges pour une équipe comme Seattle, par exemple, ou Green Bay, qui voudraient peut-être en profiter pour regarnir leur banque de choix ou aller chercher des vétérans. Donc, ce que Noah nous dit, c'est que, semble-t-il que du côté si entendu, c'est que Mike Tomlin serait très intéressé à un corps arrière comme Kirk Cousins. Ah, OK. Kirk Cousins pourrait être intéressé. Vas-y, Michel. Donc, moi, je vais y aller de façon plus générale avec les coups qu'il y a à boucher dans l'équipe, principalement. The Steelers, Noah, gave up 42 points against the Kansas City Chiefs last Sunday. There are some good spots on defense, but it's shown some porosity over last season. I was wondering is defense a concern for Mike Tomlin? Yeah, definitely. For a couple of reasons. So for one, the inside linebackers, they expected more out of guys like Devin Bush and Joe Schobert, and I think now they have to totally reassess that. But they do have guys hopefully returning in Stephon Tua and Tyson Alualu who can boost the run or the run support and hopefully kind of clear that up. I think that was the worst thing for the Steelers defense was the fact that they could not stop the running or the run game. And with those two guys and hopefully some inside linebackers, that changes. On the back end, a ton of question marks at cornerback. Two guys, Akella Witherspoon and Joe Hayden, will both be free agents. So that's got to get cleared up. But in the meantime, I think the focus is the center, and they'll go from there. OK. Donc, ce que Noah nous dit, Danny, c'est qu'actuellement, au niveau de la défensive, c'est vraiment au centre de la défensive, au cœur de la défensive, que le problème se trouve. Il y a eu des blessés cette année. Il y a eu des joueurs aussi là, qui n'ont pas fait le travail, notamment au niveau du secondaire intérieur. Donc, la défense contre la course des Steelers a été... pour ne pas dire suspecte, carrément mauvaise cette année. Donc, c'est quelque chose que Mike Tomlin va vouloir adresser au cours de la prochaine saison. L'héritage de Big Ben pour les partisans et pour Pittsburgh. Okay. We're getting back to Big Ben, Noah. What's the legacy for the Pittsburgh fans and for the city of Pittsburgh in general? What's going to be the legacy that's going to be left by Ben Roethlisberger? I mean, he might be the second or third most impactful player in organization history. When you look at Ben Roethlisberger, it's 18 years, no losing seasons, two Super Bowls appeared in a third. I mean, he has been the face of the franchise for however long. And right up until this season, I mean, you look at a 9-7-1 Pittsburgh Steelers team and you think that there is no way they should have been in the playoffs. There's no way that they should have won 9 games. But even at 40 years old, he was able to pull it off. And I think that's the legacy that he will leave behind. Everyone will remember Ben Roethlisberger as this tough, I mean, Big Ben, it describes him perfectly, tough, hard-nosed winner, a guy who, if you put him in a situation, chances are he's going to get you out of whatever situation you put yourself in. Donc, quand on parle d'héritage de Ben Roethlisberger, Danny, c'est quelqu'un qui va être reconnu. Premièrement, il dit que c'est probablement le deuxième ou troisième meilleur joueur de l'histoire des Steelers. Donc, on connaît sa réponse à ta prochaine question. Mais ce qu'il dit aussi, c'est que c'est un joueur là, C'est un gars qui était dur à son corps, qui c'était pas une failluette, comme on dirait au Saguenay. Ben, c'est le carrière qui a le plus de sacs dans l'histoire, je pense, la NFL. Exactement. C'est avec 594 sacs de carrière. Donc, ce qu'il nous dit, ouais. C'est ça, c'est que ça va être l'héritage qu'il va avoir laissé aux fans des Steelers. Et moi, ce que je vais faire, Danny, ouais. Justement, j'avais une question là-dessus. Parce que Ben a... Ah oui, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que Noah a parlé du fait que c'est pas innocent le fait qu'on l'ait surnommé Big Ben. Ça, ah, ouais. Ça le personnifie totalement. Donc, okay. Moi, je vais continuer là-dessus parce que je veux parler des déclarations qu'il a faites en conférence de presse après la défaite contre les Chiefs, justement sur la ville de Pittsburgh. Once again, Noah, I'm going to write on Danny's coattail about Ben Roethlisberger. You were probably there at the press conference after the game in Kansas City. Mm-hmm. I watched it on TV since I'm miles away from KC. But I thought it was a real classy move from his part when he was asked about his legacy, his career, his reflections over his career, that the fact that he hopes that. Because Pittsburgh is a blue-collar city, that he was a blue-collar quarterback, he was a blue-collar player, and that he hoped he could personify, with the city of Pittsburgh in general. What are your thoughts on that? I totally agree. I think that hearing him say that just kind of solidified everything that Ben Roethlisberger is. I mean, he is a blue-collar quarterback. He is a hard-nosed, gridiron guy and has been for 18 years. I mean, growing up, my dad used to tell me, you're not going to make it in time to cover Ben Roethlisberger because my dream was always, I grew up a Steelers fan. My dream was always to make it to where I am today. And he always told me, Ben's career is not going to last that long. He gets hit too much. And here he is, 39 years old, and I'm reminded constantly that this guy should not have been here, and he was, because that's who he is. He's a blue-collar, hard-working guy. And to put it in an even bigger perspective of, you know, hoping to pass down that legacy, it's very true. He works with young guys. He takes guys under his wing. And I think that everything he said was genuine. It was that he wants to have a legacy with the Pittsburgh Steelers, as every player does, but he wants his legacy to be passing on the torch so that the next generation keeps up the same level of intensity and hard work and blue collar organization that, you know, he carried for 18 years. Well, we used to get that a lot with the Montreal Canadiens. Yeah. You're probably aware of that. Okay. Yeah. Ce que Noah nous dit, c'est que justement, il a trouvé ça très classe de la part de Ben Roethlisberger, les déclarations qu'il a faites à la presse, et que ça vient confirmer en quelque sorte. Justement, ce qui est véritablement Ben Roethlisberger comme carrière comme personne. Parce que il nous a raconté une petite anecdote, c'est que son père lui disait, les deux étaient des fans des Steelers avant, mm-hmm. avant de commencer, évidemment, sa carrière professionnelle. Et Noah disait que son père lui a dit, tu vivras jamais assez vieux pour pouvoir couvrir Ben Roethlisberger parce que ce gars-là se fait frapper trop souvent. C'est incroyable. Mais quelque part, on a vu, il est passé tout ça à travers quoi il est passé et qui a réussi à se rendre jusque-là aujourd'hui. Donc, respect total pour Ben Roethlisberger. Bon, OK, la question qui tue, c'est la question que tu me l'as vendue. Je voulais la poser la dernière question, mais tu n'as pas le choix finalement. Bon, vas-y. Meilleur record de l'histoire des Steelers, Bradshaw ou Big Ben? Moi, je regarde les statistiques actuellement. Tout le monde dit Bradshaw, mais j'ai relevé les statistiques et c'est Big Ben all the way. C'est vrai, par contre, que c'est pas le même football. Il faut quand même être honnête. C'est pas du tout le même football. Et Big Ben n'a pas été entouré comme Bradshaw l'a été, Et tu n'avais pas les Pats dans les années 70 qui dominaient comme. Oui, tu avais les Raiders d'Oakland, tu avais les Dolphins de Miami, mais tu n'étais pas aussi dominant que dans le temps. Donc, pour moi, je dis que Big Ben, c'est très partagé. C'est pas si évident que ça que Bradshaw est le meilleur. Quand, selon lui, là, c'est sûr que je vois son âge, j'ai pas connu Bradshaw. Moi, je l'ai connu à la fin de sa carrière. Toi, Michel, tu vas être capable d'en parler un peu plus. Tu as une couple d'années de plus. Sauf que selon lui, là, ce qu'il a vu, là, et puis ce qu'il a entendu, est-ce que Bradshaw ou Big Ben? Okay. You probably, even though you don't understand French, you probably have a good idea about the question that Danny is asking. Yeah. Well, you said you grew up as a Steelers fan. You probably haven't seen Terry Bradshaw play. You probably heard of him a lot since you're in Pittsburgh. So, and people keep saying that Bradshaw was the greatest over Ben, and Bradshaw was this and that and so on. But statistically, Ben was superior to Bradshaw. To your thoughts on that, which one is the best in Pittsburgh history? You sold it a little bit in the former earlier on, but I just want to hear it straight up. Yeah, so I get the Bradshaw argument, and for the people who say, well, he won 4 Super Bowls, I can't take any of that away. But in my opinion, like I said, it goes Mean Joe Green, Ben Roethlisberger as the two most impactful players in franchise history. And I think that because of that, Ben is superior to Bradshaw. And, you know, both Hall of Fame quarterbacks, first ballot Hall of Fame quarterbacks, but different eras, you know, like when Bradshaw played, he played with probably the greatest defense of all time. And Ben has had some phenomenal defenses and some phenomenal teams. But he came in here right from the jump and became a winner and didn't stop no matter what. He went through some of the worst offensive lines in the NFL throughout his time. You know, his running backs were very hit or miss at times. I mean, he's gone through 3 offensive coordinators. Bradshaw had so much consistency that Ben did not have, and Ben continued to win. So it's hard to argue either of them. It's like the LeBron Jordan argument. Different eras, different games, you know, but when you break them down, I think Ben, you know, he's just done so much. It's hard to argue against him. Donc, ce que Noah nous dit, c'est dur d'argumenter contre Ben Roethlisberger. Parce que, bon, il dit, il admet, comme tu le disais tantôt, que ce sont deux époques différentes, deux sortes de football différents. Ce qui donne à Bradshaw de plus qu'à Ben Roethlisberger, c'est plus de constance. Mais malgré le fait que Ben était moins constant, il a réussi quand même à gagner. Il a quand même réussi au cours de ses 18 saisons à avoir des fiches gagnantes. Donc, et en plus, Noah, ce qu'il nous dit, c'est que selon lui, le top 2, là, c'est pas Terry Bradshaw et Ben Roethlisberger. OK. Il met Joe Green avant. Ah, OK. Toi, tu l'as dit, d'accord avec ça? Parce que moi, je ne l'ai pas connu, Joe Green. Michel, moi, je suis d'accord avec ça. Mais Joe Green, c'était dans les années 70. C'était un joueur dominant en défensive. Okay. C'est un joueur qui était dominant sur la ligne défensive. Et donc, c'est vraiment une. Comment dirais-je? C'est vraiment, il a vraiment sa place à lui dans l'histoire. Sauf que quand on parle de Ben Roethlisberger et Terry Bradshaw, les deux méritent d'être au temple de la renommée. First ballot, comme on dit, là, à leur première, première tentative. Ben, c'est certain qu'il. Son chemin vers Canton est déjà tracé. Et toi, Michel? Tu veux savoir mon opinion là-dessus? Oui. Moi aussi, ça serait Big Ben. C'est pas ça que tu avais dit. Ce que j'ai dit, je vais le nuancer, c'est très important. Tu diras à Michel après ça. Tu diras à Noah, mais en anglais, la discussion qu'on a eue. Bradshaw était véritablement un général à l'attaque. C'était vraiment véritablement un leader. C'était aussi Bradshaw, quelqu'un, comme tu disais, qui était mieux entouré. Et tu parlais tantôt du fait que tu avais la présence des Raiders et des Dolphins, contrairement à la présence des Patriots dans les années 2000. Ouais. Les Steelers des années 70, c'était les Patriots des années 2000. Là. On ne se cachera pas. Là. Okay. C'était vraiment l'équipe à battre à l'époque dans les années 70. En fait, la grosse rivalité, c'était avec les Cowboys de Dallas. Oui, mais c'est dans la conférence nationale. Oui, c'est dans la conférence nationale, mais il y a eu des Super Bowls épiques entre les deux équipes. Dis-donc, Michel, ce que tu viens de dire en français pour pas l'inclure. OK. Just so that you get included in the conversation, Noah. I was asked by Danny my opinion since I'm a little older, so I saw Terry Bradshaw play, and I saw the Steel Curtain and this this great era for the Pittsburgh Steelers, and I was saying that I go with Ben Roethlisberger too as the best QB in Steeler history, but if I have to give credit to Bradshaw for something, he was, to my opinion, a better leader. He was a general on the field. He was not the most talented quarterback, but with the limited talent he had people around him give their best. So so that's what I was... Il n'y avait pas la présence des Pats également. And we were talking about the fact that the... Because we're both Patriot fans, we have to tell you that. Yeah. Oh, I didn't realize. I didn't realize. Okay. No, that's all right. Okay. We can be Patriot fans and respect other teams too. Okay. Yeah. Such as the Steelers. I was saying that the Steelers of the 70s were the Patriots of the 2000s. So yeah, definitely. And I agree with the Bradshaw being a leader. I mean, I think that's what his best asset was, is he knew that, especially for that team, you know, for the Steel Curtain, he was basically the Steel Curtain as a quarterback. He'd take as many hits as humanly possible. He'd show up. He wouldn't care at all. And he'd keep going. He knew how to communicate. I'll give you that one. Okay. Ce qu'il dit, Noah, c'est qu'il est d'accord avec moi, puis qu'il représentait la défensive dans le temps des Steelers dans les années 70. On l'appelait le steel, le rideau de fer, le steel curtain. Ouais. Et lui, ce qu'il dit, c'est que Terry Bradshaw, c'était le steel curtain, mais à l'attaque. Ouais. OK, Robert, on va y aller avec une question chaque en terminant, puis on va laisser Noah, puis... OK. OK, so we're going to go with one last question, Noah. Ce que je vais lui demander, là, moi, je vais lui parler de TJ Watt. OK. On a parlé de Ben Roethlisberger. Je pense qu'on a épuisé le sujet, mais je veux voir là au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire pour appuyer TJ Watt. The last question for me, Noah, we spoke about the defense that got run on, but there were still a few bright spots, one of them being TJ Watt. What do you think the Steelers can do to better support him? I think it's a lot to do with the pieces that I talked about earlier. So if you could clean up the inside of the defensive line, hopefully Stephon Tua comes back and he's the player that he was before he left, and Tyson Alualu still has a little juice in the tank. Those two would help tremendously. And then you have to get some inside linebackers, because the more you could take advantage of the middle of the field as an offense, the less effective TJ Watt's going to be. And, you know, if you could run the ball 25, 30 times a game and be effective against the Steelers, TJ Watt has no purpose rushing the quarterback. And that's what he does best, obviously. So it's the middle of the field. They have to clean that up. They have to get better inside linebackers and defensive linemen. And if they could do that, I think 22 and a half sacks, I could see TJ somehow doing more, if we're being honest. Oh, okay. This is quite a statement. OK, donc, il nous a fait une déclaration quand même intéressante, Noah, en nous disant que, bon, comme il disait tantôt, il faut vraiment solidifier l'intérieur. Donc, au niveau notamment des joueurs de ligne et des secondaires, il dit que un gars comme Stephon Tuitt va être important pour l'an prochain. Et lui, ce qu'il voit, c'est que TJ Watt, bon, il a égalé le record cette année de Michael Strahan avec 22 sacs et demi. Ouais. Il dit que lui, Noah, voit TJ Watt battre ce record-là, mais que si on ne se renforce pas à l'intérieur, ça ne sert à rien d'avoir TJ Watt qui court et qui essaie de rusher le corps à l'extérieur. OK. Dernière question pour ma part. Je veux parler de Cody Pickett, sa carrière de l'Université de Pittsburgh, qui a battu les records de Dan Marino avec l'Université de Pittsburgh. Est-ce que la pression est forte à Pittsburgh pour qu'il soit le choix des Steelers? Parce qu'écoute, c'est un produit local. Tu sais comment c'est, Michel, un produit local. Imagine un joueur du Canadien avec un produit local. J'imagine que ça doit être fort un peu. Ça doit être un peu la même signification. Est-ce que la pression est forte sur Mike Tomlin et l'organisation des Steelers pour repêcher Pickett de l'Université de Pittsburgh? Okay, we're coming back to Ken Pickett. It's Cody or Ken Pickett? Kenny Pickett. Oh. Kenny Pickett from Pitt. Danny made a parallel with, you know, the French-Canadian hockey players being drafted by the Montreal Canadiens. Yeah. You know, we're still looking for the great white hope, you know, the big Quebec star. The question is, does Mike Tomlin get some pressure Is he getting pressured to drafting this young quarterback that is that's admitted a great local product? I would say yes. Now, that pressure is definitely coming from the fans and not the front office. The front office is going to let him and Kevin Colbert and the scouting department, you know, make the best decision for the football team. But every Steelers fan wants Kenny Pickett to be the next starting quarterback of the Pittsburgh Steelers, and rightfully so. I mean, he's a Pitt star, a Heisman finalist. He's probably going to be a first-round draft pick, and if he could slide to the Steelers, there's no way. I will say I'm a little skeptical because this year's draft class is not as highly talented as some in the past, and I think that Kenny Pickett needs a year to kind of continue his development and hopefully learn. And even if he does start, I don't think the expectation should be another playoff team. And I think in Pittsburgh, you know, being that hometown hero, as soon as he steps on, like, on the practice field, he's already going to be Super Bowl expectations by the fans. And I think that that gets a little dangerous when you're a rookie quarterback in the NFL. I hope he could pull it off, but you know, it's the whole Dan Marino thing. Like I think Danny was talking about, when you have a guy that could have that much success and that much talent and you keep him in the same spot, it gets a little dangerous with how quickly he needs to start, you know, winning games before people start freaking out. Thanks for that. Okay. Ce que Noah nous dit à Danny, c'est que la pression viendra pas du... les fans. La pression va venir des fans, au contraire. Okay, ouais. La pression ne viendra pas de la haute direction des Steelers. Ils vont laisser Mike Tomlin et son équipe de dépisteurs faire la meilleure, prendre la meilleure décision au côté football. Mais du côté des fans, on va voir Kenny Pickett comme étant un sauveur, comme étant la grande relève. Et également, ça va être du talent local. Donc, et ce qu'il dit, il ne l'a pas dit directement comme ça, mais c'est un peu ça que ça dit. Il va avoir une tonne de pression, le jeune, s'il est repêché par les Steelers, parce que, en quelque part, on va le voir, dès qu'il va mettre le pied sur le terrain de pratique, tout le monde va le voir au Super Bowl. Donc, c'est un peu ça que Noah dit. Lui, il dit qu'un an ou deux de développement, ça ne lui nuirait pas, même s'il a beaucoup de talent. Ça serait la meilleure chose pour lui, ça serait de pouvoir faire une autre année à Pittsburgh, puis de pouvoir apprendre Okay. Ben, on va leur remercier beaucoup. Thanks, Noah. OK. On va leur remercier beaucoup. Puis Michel, encore une fois, je te remercie beaucoup pour les entrevues anglophones. Et on peut leur remercier à la toute fin. On peut leur remercier. OK. So, Noah, thank you for your time. It's been a blast having you on our show. It's been a lot of fun, and your insight is always appreciated for football fans such as us. Awesome. Thank you, guys. I appreciate you guys having me on. Noah Stenberg, de Sports Illustrated, qui nous parlait de l'avenir des Steelers après Big Ben. Merci beaucoup, gang. Thanks again. Merci. Thanks, guys. Thanks. Hi. Take care. Take care.